pour nous qui ont manqué des matchs à cause de blessures. Donc, pour eux de se roder pour les playoffs, je pense, sur la ligne offensive, il y a des gars comme Marc-Antoine Bourdin-Cloutier qui a joué un petit peu dernièrement. Certainement, Rudy Jean et Jean-Philippe Gilbert, des joueurs qui n'ont pas joué beaucoup durant la saison. Et c'est des piliers pour nous, donc c'est bon qu'ils mettent cette expérience-là à profit contre Concordia. Donc, c'était un peu important pour nous de voir que ces personnes-là soient un peu moins rouillées quand on va rentrer dans les playoffs. Donc, encore une fois, Concordia, c'est encore une très, très bonne équipe de notre conférence. C'est une équipe qui joue bien à la maison aussi, donc ça va être un très, très bon match pour nous. S'il n'y a pas de questions, je vais passer la parole à Justin. Donc, Concordia cette semaine, encore une excellente défensive. Ça fait quelques semaines là, quand même que les défensives sont très bonnes. Leur meilleur joueur, numéro 8, Corey Greenwood, qui est excellent cette saison, secondaire. Comme à chaque année, Concordia ont toujours un bon secondaire. Donc, Donovan est parti, mais Greenwood, puis numéro 50, Gadzi, c'est deux très, probablement leurs deux meilleurs joueurs défensifs. Je dis leurs deux meilleurs joueurs défensifs, sans oublier le demi-défensif Sammy Hawk-Pro, qui est probablement un des meilleurs au pays, aucun doute, il est excellent. Sur la ligne défensive, Adrian Davis, 90, le genre de gars que je ne sais pas d'où est-ce qu'il apparaît. Là. Je pense que c'est un gars qui joue aux États-Unis, je ne sais pas trop. Un bon joueur, un gros bonhomme, donc ça va être important de contrôler ces gars-là. Bonne défensive, une défensive qui aime ça mettre de la pression sur le carrière. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va contrôler ça. Donc, la semaine passée, Bishop l'a fait un petit peu, mais Concordia, c'est vraiment les spécialistes de ça. Donc, ça va être intéressant. On se prépare cette semaine contre ce type de défensive-là. Question? Non. Pas de question? Justin, on passe la parole à Marc Fortier. Concordia, offensivement, c'est une équipe, là, si vous regardez les stats, là, qui court beaucoup avec le ballon, puis c'est certain qu'il n'y a pas de porteur de ballon qui se démarque comme tel, parce qu'ils ont un système où est-ce que justement ils réussissent, là. Il y a beaucoup de misdirection, qu'on appelle en anglais, là, donc de mouvement, là, ils partent d'un côté, puis ils s'en vont de l'autre. Ils ont un peu changé leur style d'attaque là, quand leur carrière s'est blessée, donc je dirais que c'est un bon challenge au niveau là, des schémas défensifs. Ils s'arrangent tout le temps pour essayer d'être en surnombre au point d'attaque. Donc, il ne faudra pas se faire surprendre à ce niveau-là. Puis, leur carrière, c'est en fait, on dit qu'il n'y a pas de porteur de ballon qui se démarque, mais je dirais que leur carrière, c'est un peu lui qui se démarque là, à ce niveau-là. Liam Nielsen. Mahoney. Excusez, Liam. Mais, ouais, très bon, très, très bon. Un bon athlète. Peut-être pas le plus grand passeur, mais il est quand même assez efficace. Là. Il complète pour près de 60% de ses passes cette saison. C'est certain qu'il passe pas souvent le ballon, mais quand il a à le faire, il est quand même assez efficace. Là. Receveur de passe à surveiller, numéro 81. Corey Watson, un grand receveur extérieur. Là. Je pense qu'il est 6 pieds 2, 6 pieds 3. Assez physique. Bonne vitesse. Ils ont leur receveur là, de 5 ans, Nick Sisson, numéro 16. C'est un peu leur homme à tout faire. Il porte le ballon autant qu'il peut attraper des passes. Il revient dans le champ arrière pour bloquer. Comme je vous dis, là, il fait tout. Là. Un très, très bon joueur de football. Donc, ça va être intéressant là, cette semaine là, au niveau défensif, là, compte tenu justement du système qui joue. C'est quelque chose qu'on n'est pas vraiment habitué de voir là, puis que ça nous a pris quelques heures, sinon quelques jours, là, pour un peu décortiquer qu'est-ce qu'il faisait exactement. Mais je pense qu'on est quand même... On a une bonne idée. On a une bonne idée. Maintenant, c'est certain, quand on joue Concordia, Jeremy McGrath, je vous dirais là, que c'est souvent un bon challenge. Là, il s'adapte, il s'ajuste très bien là, aux équipes adverses. Donc, ça se pourrait qu'on voit une attaque complètement différente. Là, donc, en tout cas. On devrait être prêt là, à faire face à ce qu'il va nous montrer. Question? Sans en faire un enjeu, la fiche parfaite, c'est pas une bonne chose avec des séries justement d'avoir un défi comme ça pour éviter qu'il y ait une petite baisse. Si tout était acquis à gars avait plus de challenge. Mais là, il y en a un, c'est dire, hey, on peut finir la saison avec une fiche parfaite. C'est certain qu'ils seront plus en servir comme motivation puis de point de focus pour nos joueurs, mais comme je l'ai dit tantôt, pour nous, c'est de la fiche parfaite. Moi, j'ai adressé, pas qu'on. Écoute, si on a une fiche parfaite, c'est le bienvenu pour nous. Comme j'ai parlé aux joueurs deux, trois fois durant la saison, que des fois, j'en garde sur chaque bague, ça finit par la fiche de 11 et 1 ou quoi que ce soit dans les dernières. Puis pour moi, le 1, c'est une leçon. Pas que je veux perdre le match pour qu'on apprenne une leçon, mais je pense que c'est important pour nous de continuer à progresser dans ce qu'on fait. Puis une fiche parfaite, pour moi, c'est je pense que ça, les équipes qui réussissent à faire ça, peu importe à quel niveau, c'est exceptionnel. C'est ça. Pour nous, on travaille tous dans le même sens. Pour nous, c'est de continuer à parfaire notre jeu à l'entrée des playoffs. Puis si on joue un bon match, on exécute bien, on devrait être en position d'être 8-0. Et pour nous, comme je dis aux joueurs, si t'es 8-0, il faut que tu sois 12-0. Parce que ça donne absolument rien d'avoir 8-0 pour finir 10-1 ou quoi que ce soit. Parce que c'est la fiche parfaite, pour moi, cette année ne compte pas. C'est vraiment celle-là, 12-0 est plus importante que 8-0. Mais pour moi, l'important, c'est qu'on puisse, comme j'ai dit tantôt, c'est un peu ce que je veux passer comme message. C'est qu'une fiche parfaite, ça ne veut rien dire à ce point-ci de l'année. C'est vraiment de jouer, chercher la perfection dans notre jeu qui est important. Est-ce que le pointage va dicter l'utilisation des joueurs? C'est certain que pour nous, on peut se permettre, si on est en avance, de sortir autant en avance qu'à l'arrière, de retirer du monde, pour préserver du monde pour les séries. Ça, c'est certain. D'autres personnes, par contre, on veut les voir jouer ou si on peut jouer beaucoup durant la saison. Donc, on se rencontre ce soir comme staff pour gérer ces situations-là. Anyway, se voir comment on veut gérer. Comme l'année passée, on avait la même situation à Montréal. C'est important que Benoît soit en santé pour les séries. On avait sorti Benoît après son record. On n'avait pas fait jouer beaucoup des individus. On avait sorti Sam Champagne. Donc, encore une fois, c'est pas on veut gagner ce match-là, c'est certain. Pas à tout prix. On veut absolument être certain que nos joueurs, nos effectifs sont frais et en santé pour les séries. Est-ce que tu veux rajouter des choses là-dessus? Comme c'est là, c'est pas mal le même groupe de personnes qui a joué la semaine passée qui devrait être de retour sur le terrain. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous inviter à faire les entrevues individuelles. C'était le bon dîner. Je vous remercie de votre déplacement aujourd'hui. Bon reste de semaine. Merci beaucoup. De bon restant. Non, c'est mec qui est.